Aujourd'hui, l'affaire Salman Rushdie avec notre invité, Ramin Kamaran. Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine, spécialiste de l'Iran et de son système politique, membre du comité de soutien de Salman Rushdie en France, à l'époque de l'événement. Vous aviez été aussi l'un des signataires de l'appel des 50 intellectuels iraniens en soutien à l'écrivain face à la fatwa dont il a été victime. Vous avez écrit beaucoup de livres, références sur l'Iran. Le dernier est intitulé « Le problème théologico-politique ». D'ailleurs, c'est dans cette expression que tient toute la thématique et la problématique de notre histoire. Et c'est paru en 2013 aux éditions L'Harmattan. On va reparler avec vous de l'Iran d'aujourd'hui, parce que cette affaire nous amène à parler de l'Iran d'aujourd'hui, c'est très intéressant. Et on va essayer de voir comment l'Occident s'y prend finalement avec ce grand pays qui a peut-être vocation à être l'autre grande puissance régionale avec Israël, hein, qui est un pays issu d'une grande civilisation, qui a une élite forte. Alors est-ce qu'on prend le problème par le bon côté, nous les Occidentaux? On en reparlera. Revenons d'abord à Salman Rushdie et à cette fatwa, que les choses soient claires une bonne fois pour toutes, si tant est qu'elle puisse l'être. Elle est levée ou elle n'est pas levée, cette fatwa? Regardez, c'est pas officiellement levé. À l'époque, le gouvernement iranien sur Khatami a dit « nous désolidarisons », autrement dit, nous ne promeuvons plus cette fatwa, nous n'allons pas encourager, envoyer, payer. Point. Mais la fatwa court. Mais d'un autre côté, d'un point de vue droit canon chiite, et les fatwas d'un jurisconsulte, Khomeini ou autre, deviennent pratiquement caduques avec sa mort. Mm-hmm. Pratiquement pourquoi? Parce que s'il y a un autre jurisconsulte qui donne son accord sur la valeur de la chose, ça court toujours. Sinon, s'il n'y a pas une telle expression, les fatwas meurent, non plus de, je dirais, de valeur juridique. Est-ce que, alors, on rappelle que l'ayatollah Khomeini était chiite, que le pouvoir est chiite, est-ce qu'une fatwa comme ça peut concerner des sunnites? Absolument pas, absolument pas. Regardez dans l'affaire Rushdie, un, ça ne peut pas concerner les sunnites, deux, ça ne peut pas concerner les non-musulmans, oui, autrement dit, clair. Les traducteurs, les ceux qui ont publié, ainsi de suite. Absolument pas. Mais cela montre d'un autre côté que le côté purement juridique de l'affaire flanchait très sérieusement et que le but était politique. Mais le point le plus important peut-être, le point faible de cette fatwa, c'est que cette fatwa ne concordait pas avec les avis juridiques précédemment exprimés dans son grand traité de droit chiite par Khomeini lui-même. On a du mal à l'imaginer, mais Khomeini était parmi les jurisconsultes qui ont des positions extrêmement dures en matière de blasphème. Quand vous lisez le texte dans son traité de 4 tomes, Ketar Bol Bey, le livre des contrats ou des contrats d'achat et de vente, ou c'est son grand traité de jurisconsulte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est très difficile, il faut être extrêmement prudent quand on parle de la sortie de la religion par un musulman, parce qu'il doit être puni, si c'est un homme, par la mort, si c'est une femme, prison perpétuelle et sévices. Pourquoi? Parce que il faut vérifier. Un, si quelqu'un a fait ça pour, a dit quelque chose qui pourrait prêter à un blasphème, il faut qu'il exprime ouvertement son intention, qu'il dise lui-même, qu'il avoue. Ce qui n'est effectivement absolument pas le cas. Absolument pas le cas. Et en plus, Rushdie a dit le contraire. En plus, il a fait un petit texte à l'époque. Il doit le dire, il doit l'avouer. Et en plus, si quelqu'un a dit quelque chose pour rigoler, il n'y a pas de suite à donner. Si quelqu'un a dit ça en semi-conscience, il n'avait pas toute sa tête, on doit l'oublier, et ainsi de suite. Il a une position extrêmement modérée. Mais quand vous regardez sa fatwa, et d'ailleurs, petite anecdote que je rajouterai, si vous souvenez à l'époque, quand l'affaire est lancée, la fatwa est lancée, l'actuel guide de la République islamique, élève et pupille de Khomeini, M. Khomeini a dit, oui, il pourra s'excuser et ce sera fini. En se conformant au traité de son maître. Mais le maître est intervenu, vous n'avez rien compris, vous n'avez qu'à la fermer, point. Donc c'est un opportunisme politique. Total. Que cherche l'ayatollah Khomeini à ce moment-là? Il cherche d'abord à affirmer sa propre position comme le chef de file, celui qui parle au nom de l'islam. Qui est le grand rival, qui n'est pas à la hauteur, qui n'a jamais été à la hauteur, qui n'est toujours pas à la hauteur, c'est l'Arabie Saoudite. Oui. Les Saoudiens y ont mis de l'argent, surtout en Angleterre à l'époque, pour un peu souffler sur la chose. D'ailleurs, c'est maintenant on voit comment ça, la suite de l'affaire avec le wahhabisme et tout tourne. Et Khomeini est intervenu en faisant un grand coup. La dynastie saoudienne, hein, wahhabite. Absolument, hein, absolument. Pour les auditeurs, c'est un peu compliqué. Tout à fait, tout à fait. Et Khomeini entre, frappe un grand coup et élimine tout le monde avec sa fatwa. Le départ en Inde est oublié, l'Afrique du Sud est oubliée, Pakistan est oublié, Brighton en Angleterre est oublié, l'argent saoudien est oublié, c'est lui qui décide. Et je rajouterai une chose, en lançant la fatwa, il a pratiquement atteint son but. Que Rushdie soit assassiné ou pas, ait été assassiné ou pas, ça ne compte pas. L'important, c'est que c'est lui le chef. Et puis, il laisse courir. S'il est un imbécile, que sais-je, même un accident de voiture, on dirait que oui, Dieu l'a puni. Donc, il était couvert. Et est-ce que dans le message de l'ayatollah Khomeini, il y a un message aussi pour le peuple iranien? Je fais le parallèle avec Ahmadinejad quand il disait destruction d'Israël. Oui. On disait mais ça c'est un message vis-à-vis du pouvoir iranien. Est-ce qu'il y a aussi cet ingrédient là? Tout à fait, tout à fait. Regardez, nous sommes quand à la fin de la guerre Iran-Irak où personne n'a gagné et l'Iran a beaucoup souffert, notamment par la persévérance de Khomeini. Il sent ce pouvoir s'effilocher. Et il a deux gestes extrêmement importants. La fatwa contre Rushdie sur la scène internationale, le nettoyage par le vide, autrement dit le grand massacre des prisonniers politiques à l'intérieur. Ouais. Pour dire que oui, le régime toujours tient, je suis toujours là, je suis le chef et personne ne bouge. Donc, dans les deux cas, les gestes sont complémentaires. Alors, quel est votre souvenir, vous, vous avez participé, vous aviez quitté l'Iran à l'époque? Oui, j'ai quitté l'Iran après le bac pour venir faire des études. Après, je me suis agité politiquement et je ne peux plus retourner, c'est tout. Bien. Quel souvenir vous gardez de quand vous avez appris ça? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, alors en tant qu'analyste politique d'une part, mais aussi en tant qu'Iranien? Ma foi, une fois de plus, le type nous a déshonorés. Ça a été ma réaction. Mmh. C'est pour ça que cet appel qui fut lancé par la suite par Majid Amirshahi m'a tellement mis du baume au cœur, parce que c'était le rachat de l'honneur des Iraniens, des intellectuels, de ceux qui pensent, de ceux qui disent. Ma foi, on ne peut pas laisser passer une telle chose. Il y avait des gens, notamment moi-même, entre autres, qui avaient fait des articles, qui avaient fait des interventions dès le lancement de la fatwa. Mais que l'affaire prenne un côté collectif était fondamental. Et je pense que Rushdie lui-même l'a souligné aussi, on peut le comprendre d'ailleurs. Oui. Mais c'était la moindre des choses à faire de la part des intellectuels iraniens. Ça s'appelle un acte de résistance contre l'obscurantisme. Manières. Et alors sur Antenne 2, quelques semaines après la fatwa, voilà un autre acte de résistance. Alors nous sommes en mars 89, l'éditeur français Christian Bourgeois explique les conditions et les raisons pour lesquelles, lui, il a décidé de publier l'ouvrage en France. Mmh. On l'écoute ensemble. J'ai résisté récemment à des pressions assez importantes et je continue puisque, pour être plus précis, je suis l'éditeur de Salman Rushdie et j'ai publié les versets sataniques avec tous les problèmes que vous connaissez. J'ai publié le livre de Salman Rushdie parce qu'il me semblait impossible de ne pas le publier. Je l'ai rencontré une seule fois, je n'étais pas son éditeur parce qu'il avait été publié par un autre éditeur. J'avais décidé de publier les versets sataniques parce que je connaissais bien son agent américain et qu'il était venu me voir exprès à Paris en me disant « ce livre, c'est toi qui dois le publier ». Bon, malgré, c'est pas les pressions, là c'était, je dirais sans jeu de mots, la pression, c'est-à-dire que j'étais au centre de l'histoire qui me dépassait complètement et qui dépassait complètement tous les gens qui m'entouraient. Donc pour moi, il y avait qu'à appliquer un principe simple, c'est que quand on est un éditeur, c'est pour rendre public un ouvrage. Rémine Kamara, on va essayer encore, je vais vous demander encore de puiser dans vos souvenirs. La France s'enorgueillit d'être le pays des droits de l'homme, terre d'asile, on s'aperçoit que d'autres font mieux que nous. Mais bon, au moins la France a cette particularité d'avoir toujours eu un débat très fort autour de la laïcité, n'est-ce pas? Et cette affaire en France est aussi un élément du débat sur la laïcité. Et je le disais, il y a comme une espèce de fracture, enfin c'était très tendu, c'était pour le coup une affaire très sensible. Quel souvenir vous gardez du débat en France? Du débat en France, assez animé, et d'une manière générale, je dirais, aussi assez courageux, je dois le dire. Mmh. les voix discordantes, les voix qui étaient contre, qui condamnaient, qui demandaient une limitation, qui disaient qu'ils soutenaient Rushdie, mais peut-être ses propos avaient dépassé les bornes et tout, existaient. Mais en même temps, le ton général était à la défense. Et d'ailleurs, ça s'est reflété, il faut le dire, dans la publication du livre, de la traduction par Bernard Bourgeois, qui a reçu le soutien de nombreux éditeurs du ministère de la Culture. Donc, le soutien était là, était solide. Et d'un autre côté, je dirais que dans le cas du comité de défense de Rushdie, qui a été créé, qui a été présidé par Claude Lefort, dont je voudrais rappeler, qui nous a quittés il y a quelques années, et dont je voudrais rappeler au moins la droiture, à part la science qui est connue de tous, le soutien que ce comité a reçu de la part des intellectuels ou même de personnages politiques a été remarquable. Rémi Cadran, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Depeche Mode. C'était donc en 1989, une chanson qui s'appelle Personal Jesus, oui, comme Jésus. Reach out, touch faith. Kamran, forcément, il y a des résonances très fortes et très dramatiques de cette affaire, et en plus grave, hein, parce qu'il y a eu des morts de cette affaire Rushdie, c'est-à-dire des écrits considérés comme blasphématoires. Ça a été un peu le raisonnement ou une partie du raisonnement des assassins de nos confrères de Charlie Hebdo, hein, n'est-ce pas ? Tout à fait, tout à fait. Et comment l'histoire ne retient pas les leçons, certaines personnes ne retiennent pas les leçons de l'histoire? Ma foi, je dirais que c'est la tradition. On retient rarement quelque chose de l'histoire. Mais la grande différence entre les deux affaires, c'est que d'un côté, vous aviez un chef d'État d'une certaine manière, ouais, au niveau étatique. Ouais. On savait d'où il partait, on pouvait analyser ses actes, d'une certaine manière les prévoir et les contrer sur la scène diplomatique. Là, vous avez eu un amateurisme, une individualisation de l'affaire qui est autrement plus déplorable. des gens qui sont réunis quelque part, ont décidé de quelque chose. Je ne veux pas dire que la décision aurait dû être conforme à ceci et cela, absolument pas, parce que la décision de Khomeini est aussi nulle, à mon avis, que la décision de ces autres qui sont allés tuer les gens. Mais, je veux dire, en petit comité, en petite cellule, et donc d'une certaine manière intraçable, et agir d'une manière criminelle. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Certes. En 2010, au Salon du Livre, à Paris, Salman Rushdie est l'invité d'honneur. Alors on va écouter quelques personnes qui l'ont vu, qui l'ont sûrement parlé, et donnent leur impression sur Salman Rushdie. C'est une chance pour nous de l'avoir en France et de l'avoir écouté pendant une heure. Tout le monde le connaît par rapport à la fatwa qu'il y a contre lui. Tout le monde n'a pas lu un de ses livres. Donc je pense que c'est aussi encore un acte de courage. Il faut se remettre en question et penser à ça, que d'autres personnes dans le monde écrivent, ont le courage d'écrire, que ce soit les journalistes ou d'autres écrivains. Je suis moi-même musulman et ce qu'il a écrit sur les versets sataniques, je ne suis pas du tout contre. C'est quand même quelque chose, c'est un mythe, non? C'est quelqu'un qui nous a fait, on a un petit peu tremblé pour lui et c'est une personnalité de notre siècle. Je trouve qu'il a un style qui est extrêmement luxuriant. Il a beaucoup d'humour en plus parce qu'il a été très réduit à un écrivain poursuivi par une fatwa. Voilà, Salman Rushdie, devenu icône du courage et de la liberté aujourd'hui. Depuis longtemps, tout le monde connaît son visage, plutôt sympathique d'ailleurs. Et c'est une page de l'Iran, hein, de l'histoire de l'Iran, l'affaire Salman Rushdie, tout ça pour parler de, il reste 4 minutes, de l'Iran d'aujourd'hui. Avec une question très simple dans sa formulation, mais un peu compliquée. Où en est l'Iran aujourd'hui? Pardon? Où en est l'Iran aujourd'hui? Ma foi, je pense qu'il en est toujours là où il était il y a 10 ans, par exemple, même un peu en arrière par rapport à Khatami. Le régime islamiste est toujours en place. C'est toujours le même régime. Il y a des factions, disons, j'allais dire une sorte de bipartisme intérieur à l'islamisme. Les gens changent leur place avec plus ou moins d'espoir qu'ils apportent à l'intérieur, à l'extérieur. Avec le temps, il y en a de moins en moins d'ailleurs. On peut toujours espérer à ce que la situation des gens s'améliore. Personnellement, je ne pense pas que dans le cadre d'un tel régime, cela soit possible du tout. C'est un leurre. Mais vous savez, on aime espérer. On aime espérer. Les gens espèrent en n'importe quoi. D'abord, c'était Khatami. Avant lui, c'était Rafsanjani d'ailleurs. Oui. Alors, ensuite, c'était Khatami. Par la suite, il y a eu ce mouvement avec les jumeaux, Moussavi et Karoubi, le mouvement vert, comme on dit, et qui n'allait nulle part, et qui a fini nulle part. Et en fin de compte, ça a été Rouhani qu'on nous a présenté comme une version édulcorée du mouvement vert. Ce mouvement était le mouvement violet, d'ailleurs. Il avait choisi sa couleur. Plus gai, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a eu le printemps arabe, est-ce que vous croyez au printemps perse? Au printemps perse, il y en aura, inévitablement, quand le régime tombera. Et ça fera tomber le régime. Bien, maintenant il y a aussi le comportement des Occidentaux. De deux choses l'une. Où on considère, comme je disais tout à l'heure, que l'Iran a naturellement un avenir pour tout un tas de raisons. Et on lui permet d'accéder au progrès technologique, même avec ce régime-là, qui effectivement n'est pas fréquentable. Ou alors on est dans cette parano, l'état supérieur de la méfiance, hein, la parano. Mmh. Et on considère que si les Iraniens veulent accéder au nucléaire civil, c'est forcément parce qu'ils veulent le nucléaire militaire et forcément pour nous taper dessus et sur les États-Unis. Est-ce qu'on ne voudrait pas sortir un peu de cette vision de l'Iran qui est un peu diabolique? À mon avis, on en sortira par la force des choses. Regardez, en ce qui concerne la technologie atomique militaire, les Mollahs ne l'ont pas. Et il y a eu des discussions et tout le reste, des assurances pour qu'ils ne l'aient pas. Si c'est vital pour eux, je ne le pense pas. Si ça a été vital pour eux, je ne le pense pas non plus. Parce que leur politique étrangère n'a jamais inclus une quelconque menace ou utilisation, encore moins, d'une arme atomique pour avancer ou pour se former même. Ça marche autrement. Ça marche par l'influence, ça marche par le social, ça marche par les moyens militaires et par les paramilitaires qu'ils ont déjà. Donc le côté, en ce qui concerne purement atomique, ça n'enlève rien à leur influence, ce qui les intéresse. Le progrès technologique, en partie, ça a été intégré en Iran, c'est devenu, je dirais, local, parce qu'il y a eu la formation des savants et tout. Le nucléaire civil sera là, déjà là, par le réacteur que les Russes ont créé. Le côté militaire ne sera très probablement pas là, jamais. Et je dirais que pour les gens qui ne sont pas avec le régime, ce n'est pas une perte. Et je doute même que le régime lui-même considère cela comme une perte. Alors, en 20 secondes, dernière chose, je reviens un peu, j'ai bien écouté votre réponse, très intéressante, mais je reviens sur ma question. Est-ce que les Occidentaux doivent dédiaboliser l'Iran? Est-ce qu'il n'est pas temps de dédiaboliser? Je dirais oui, en faisant une sorte de parallèle. Ce qui a fait tomber l'Union soviétique, c'était pas la guerre froide, c'était la détente. C'est la détente qui les tuera. C'est un régime, paradoxalement, qui s'appuie sur ses ennemis, pas sur ses amis. Eh bien, il faut retirer le fil qui tient ce rosbif. Très bien, merci Ramin Kamaran pour vos éclairages. Merci, merci, au revoir. Merci pour votre invitation. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Salman Rushdie, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.